Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Bonjour à tous, bonjour à toutes, pour de vrai cette fois. Bonjour. Oh non. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, nous avons eu un petit souci de microphone qui s'est débranché du Macintosh. Ce qui fait que nous avons fait 1 minute 30 d'émission en parlant dans le vide. Mais on s'est bien marré en tout cas, on s'est oui, bien. On a bien ri. Et c'est Alain. Alain qui est venu toquer et pour nous dire qu'on nous entendait pas, on a cru qu'il avait pris trop goût au direct, on a cru qu'il voulait participer. On a cru qu'il allait nous carjacker l'émission et en fait il était bienveillant. Alors voilà, merci Alain de nous avoir prévenu. Voilà, éviter de passer une heure à parler tout seul dans la piole de Chloé. Finalement, ce qu'on fait tous les soirs, hein, c'est pas. Wow. C'est vrai, sauf qu'il n'y a pas de micro. Alors le bon Doug, comment il va le bon Doug? Bah ça va super, la forme. Vous avez la super pêche? Ouais, je me suis réveillé tôt et tout, et j'attendais avec impatience la matinale. Ah, la bonne heure, votre enthousiasme fait chaud au cœur. C'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, on va commencer sur les chapeaux de roue, hein, on continue. Alors, vous allez faire un accent différent à chaque chronique, ça peut être un sujet intéressant, je demande à voir. Ce matin, je me sens... Vous vous sentez bavaroise. Je me sens bien, Je sens à l'aise, quoi, je veux dire, on est bien, là, à la cool, quoi. À la fraîche. À la fraîche. Je ne sais plus quoi faire comme... Comment je ne sais plus parler. Alors... L'éphéméride du jour. Aujourd'hui, nous sommes... Non, mais... Les gens... Le vendredi 27 mars, mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas suivre le temps en confinement, hein... C'est le dernier jour de la semaine après, c'est le week-end, hein, donc vendredi 27 mars. Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale du théâtre. Journée mondiale du théâtre, bon, est-ce que vous savez jouer, vous? Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut, je joue mal. Ouais, on a envoyé un petit cartouchier, Doug, en fait. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas les retours ouais, là-dessus. C'est vrai. On faudra qu'on s'organise un petit code, là, pour ouais. Quand est-ce qu'on envoie des petites cartouches. On a envoyé un petit extrait des nuls. Voilà. Je joue mal, je sais pas si vous voyez, chers collègues. Parce que c'est cocasse, voilà. Du coup, pour la journée mondiale du théâtre, tu vois. Mm-hmm. Oui. D'ailleurs, on salue l'entièreté du gouvernement pour son travail d'acteur de studio. Qualité, voilà. Hein, de qualité, hein. Et comme dit Elsa, un petit coucou à Monsieur J, du coup. Ah bah oui, comprend qui peut, comprend qui veut. Exactement. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous en sortez bien mieux comme ça. C'est vrai, hein, vraiment. Aujourd'hui, vendredi 27 mars, nous fêtons une très bonne fête au Mathieu, au Albert et au Habib. Ah. Donc, bah, bonne fête à eux. Je connais plus de Habib que de Mathieu, moi, personnellement, mais ouais. Bah, je connais aucun de trois. Ah si, je connais un Mathieu. D'ailleurs, il y avait une chanson, Patrick Bruel, il a fait une chanson hommage, non? Habibi Ali, Yeli, Yeli, Habibi Ali. On commence tranquille le vendredi matin. Comme a dit Doug sur le chat tout à l'heure, vendredi tout est permis. Ouais. Ça, celle-là, on n'était pas obligé de la répéter à l'antenne, sincèrement. Hein. Alors, aujourd'hui, vendredi 27 mars, eh bien, écoutez, également, c'est en fait l'anniversaire de Grey's Anatomy, puisque le 27 mars 2005, c'était la diffusion du premier épisode de Grey's Anatomy sur ABC. Et là, actuellement, on est à la 17e saison qui est en cours. Oh la vache. Si vous voulez qu'on en parle, moi je regarde. C'est mon petit guilty pleasure de teenager. J'avoue, ça me plaît encore. Mais là, c'est vraiment une catastrophe, la dernière saison. On pourra en parler si vous voulez. Je crois que tout le monde meurt à la fin, je crois que c'est un peu le concept. Non. Tout le monde meurt pas, mais il y a beaucoup de gens qui se barrent et ça n'a plus aucun sens. Alors qu'avant, ça en avait encore un petit peu. Alors aujourd'hui aussi, également, si vous êtes né le 27 mars, je pense à Lolita Hubert par exemple. Bah, Lolita, tu partages ton anniversaire avec Quentin Tarantino, le réal, qui a raflé plein d'Oscars aux Oscars derniers, je crois. Il y en a plusieurs. Également, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kadour Merad, aka Kad Merad. Allez, on envoie la petite cartouche. Wink, wink, Doug. Depuis l'âge de 5 ans, il a mal au ventre. Jean-Michel Gastro sur la compile des chanteurs inconnus. On m'a trop donné bien avant l'ennui. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces... Dire aussi qu'on me donne l'envie. Voilà, c'était Jean-Michel Gastro sur la compile des chanteurs inconnus. Bon anniversaire, Kad. D'ailleurs, si je peux me permettre, il me semble qu'il y a une conversation récente qu'on a pu avoir lors d'un petit déjeuner lambda qui avait lieu il y a une demi-heure, Chloé Soulard, où vous aviez critiqué votre père suite à une blague un peu beauf qui parlait de rectum. Et là, on en est à balancer quelques 30 minutes plus tard Jean-Michel Gastro à l'antenne. J'ai le sentiment qu'on est un petit peu sur deux poids, deux mesures. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. J'accuse. Oh mon dieu, séparons l'homme de l'artiste tout de suite. Il faut séparer la Chloé du petit déj de la Chloé de l'émission de radio. Ouais, exactement, séparer la Chloé de la blague, s'il vous plaît. Ça parle de rectum au petit déj. S'insurge Madame Mona sur le chat. Mais de quoi parlez-vous, Madame Mona, vous au petit déj, voyons. Bah oui, c'est vrai, on aimerait savoir parce que nous, c'est une négociation assez normal au final, vous voyez. Bah la journée commence, on parle de ses selles, de voilà. Également aujourd'hui, est-ce qu'on peut souhaiter un bon anniversaire? J'irai pas jusque là, mais on va juste préciser que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Cathy et David Guetta. Ouais. Voilà. Wow. Ouais, ça vous embouche un coin, hein. Eh ben, ils sont divorcés, mais ils étaient nés le même jour. Ah, c'est beau, hein. C'est beau les mariages entre frères et sœurs. Sûrement des gens du Nord. Et justement, en parlant de coin, c'est aussi l'anniversaire de Derek Aucoin, un joueur de baseball québécois dont le nom me fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il est très drôle. Et peut-être que vous connaissez un peu son palmarès, mis à part le fait qu'il a un prénom rigolo, il y a peut-être des... Alors, donc, c'est un ancien lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball. Il a joué à Montréal, à West Palm Beach, et puis sinon après, la page Wikipédia est très courte. Alors, yes. Tant qu'on parlait de Cathy et David Guetta et on parlait de caca, donc on va, il y a C'est pas ma cam qui dit « D'ailleurs, comment vas-tu ?» voulait dire à l'époque « De quelle couleur est ta merde ?» Alors Doug, comment allez-vous ce matin? Oh là là, il n'y a pas assez de noms de couleurs pour dire comment je vais. Ah, vous êtes notre impressionniste à nous finalement, hein, notre Matisse du matin. Exactement. Matisse du matin. Aujourd'hui également, Happy Birthday à Mariah Carey. And I wanna live forever. Don't care about the present. Anthony. Mon dieu. Bah voilà, on n'avait pas de cartouché, alors on est DIY nous. Normalement, on chante un peu mieux, mais c'est que c'est le matin et que... Si on faisait une émission à 18h, vous auriez été sur le cul, mais ouais. Tellement là. On aurait vraiment poussé le truc, quoi. Ah bah d'ailleurs, en parlant de chanteuse de merde, qu'est-ce qu'on a après? Et bah on a Fergie, qui voilà. Fête son anniversaire aussi. Et voilà. Fergie du groupe Black Eyed Peas. Et c'est pas juste de la mauvaise foi, si vous regardez les petites vidéos live des Black Eyed Peas, les fois où elle est pas en playback, c'est une pépite pour les oreilles, quoi. Et souvent, elle a un peu le regard dans le vide, elle est un petit peu défoncée. Voilà. Donc c'est un peu malaisant, voilà. Mais bon anniversaire, Fergie, hein. Voilà. On t'aime d'amour. C'est également aujourd'hui l'anniversaire du, on peut le dire quand même, il est un peu beau gosse, hein. Nicolas Duvauchel. Nicolas, je suis célibataire. Voilà. Si tu veux qu'on fête ton anniversaire ensemble. Ça, c'est le genre de mec qui casse un peu les couilles. Parce que le mec est comédien, il a des tatouages partout, il a un groupe de rock, il fait de la moto. Enfin, c'est le. Oh, putain, le mec là, tu. Ouais. C'est à la fois. Il nous casse les couilles, à la fois on rêve un peu de lui en secret le soir quand on s'endort dans nos draps un peu moites et dans la température tropicale de nos. Je vous rappelle que votre mari est en train d'écouter. Mais je suis sûr qu'il en pense pas moins. Ah ben là, en fait, j'étais en train de me satisfaire en vous écoutant parler. C'était magnifique. Et c'est également aujourd'hui l'anniversaire de... Sans transition. Ben, y a des jeunes qui nous écoutent peut-être. Madame Mona, elle nous écoute, hein. Attention. Et sinon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jessie J. Voilà. Qu'est-ce qu'elle chantait déjà? Elle chante Bang Bang into the room. C'est pas que c'est to the left. Non, c'est pas ça. Non, non, ça c'est Beyoncé. Non, non, non, pas ça. Putain, non. Price tag là. Ouais. Since everyone's got a price. I'm on the seat at night. As I'm at my zoom, I'm on the seat. Yes, voilà. Et... Alors, Price Tag qui est dans le superbe film Pitch Perfect. Oh putain. Superbe film à chanson si vous voulez le regarder. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que Chloé Soulard, en termes de choix de film, c'est ce qu'on appelle une forceuse. Et donc il y a des moments où on finit par abdiquer, par compassion, par sympathie, et a posteriori on dirait surtout par naïveté. Moi, enfin maintenant c'est le mot qui me vient comme ça. Donc on se retrouve à regarder Pitch Perfect par exemple. Ça va, il était pas si pire. Non, mais c'est pas pour autant que je le regarderai, ni que je regarderai le 2, le 3, le 4, le 5, ou je sais pas combien il y en a. Il y en a que 3. Bon, Alain Soulard, je pense pas qu'on dira cette blague à l'antenne. Hein. C'est très gentil de vouloir la partager. Alors, mais... avant de lancer la première. Ah, ça, Damien, il est mort de rire, par contre. Cette violence. Bah, vous voulez la dire peut-être, Damien, à ce moment-là, vous qui aimez ce jeu, peut-être que vous pouvez vous faire le porte-parole. Ah non, non, je ne tomberai pas dans ce piège de passer pour la personne dégueulasse du matin. Bah, ça fait partie de votre contrat, hein. Relisez-le bien, mais vous êtes la personne dégueulasse du matin. Hein. Aïe, aïe, aïe, non, non, mais je refuse. Très bien, restons-en là. Alors, avant de passer à la première chanson de la matinée, il y a Louison qui nous dit « J'ai fait un rêve incroyable, est-ce que je peux avoir droit à une analyse ?» Bien sûr, Louison, envoyez-nous votre rêve, on l'analysera. Bien sûr, on est diplômé en lacanien, freudien, naughty, tous les spécialistes de psychologie que vous connaissez. Exactement. Voilà, Alain est content, il a rendu public sa blague, voilà. Ça fait, cette réplique, Alain, ça fait un peu méchant de Batman, là, qui est content d'avoir empoisonné tout Gotham, quand même. Exactement. C'est mon vrai. Humour triomphera. Mais c'est beau cette abnégation. Très belle blague de C'est pas ma cam. Il se passe des choses sur le chat, si vous n'y êtes pas, allez-y, vraiment, c'est parfait. Eh ben, avant d'avoir ce petit rêve, on peut envoyer un petit morceau en dédicace à Alain Soulard, justement, et son humour. Ah bah oui. On reste sur notre classique Philippe Catherine, Francis et ses peintres, son album 52 reprises de l'espace. Et là, du coup, en hommage à Alain et son humour, on va passer une reprise... Alors, en hommage à Alain et son humour, et à sa passion, hein. Oui, pour Michel Jonas. On va passer un morceau qui s'appelle La Boîte de Jazz, qui a été malencontreusement renommée par Chloé Soulard, La Botte de Jazz. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Jean-Michel faute de frappe un peu, Chloé Soulard. Il y avait aussi les, oui, les pommes. Heureusement, de Michel. Voilà, les pommes de Michel. Mais il faut se dire qu'on a de la chance parce que c'est le I qu'elle a oublié dans la boîte et non le O. Sinon, on aurait pu avoir un truc beaucoup plus tendancieux. Allez, c'est parti pour la botte de jazz. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gamins me regardent énervés. C'est pas un habitué sur ma banane amoureux de Dizzy. L'orchestre s'installe, les professionnels, c'est moi qu'ils interpellent. Mangus, tu connais Charlie Mangus? Par cœur, je le connais par cœur. Hey Fizz, le nom est Davis. Aussi, je le connais aussi. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scar Peterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton, de Duke Ellington. Ok. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, bon, tant pis. Tant pis. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le cours de ma vie. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. On est de retour au studio et on se poile, la bonne ambiance matinale chez les bons cons. Alors là, on a perdu le bon public. Voilà, en fait, bon, je vais devoir vous le dire parce qu'à chaque fois vous n'allez pas comprendre pourquoi on se tape des barres à chaque fois qu'on lance l'antenne. On a toujours un décompte avant de relancer la première antenne, le 5, 4, 3, 2, et on ne dit jamais le 1 par peur de passer à l'antenne, et moi j'essaye de varier mes annonces, de faire des petits bruits, des petits mots rigolos, des petits, voilà, qui est mon objectif maintenant, alors qu'au début c'était pas vraiment ça, c'était juste pour, c'est de faire marrer le plus mes collègues. Et celui qu'il vient de faire était incroyable, voilà. Je pleure. Je saigne encore, comme disait un grand poète. Alors, nous ne sommes plus tout seuls, nous ne sommes plus que trois. Nous sommes quatre maintenant, puisque nous sommes en direct avec notre invité du matin au téléphone, et cette personne c'est Charlélie. Bonjour Charlélie. Bonjour tout le monde, bonjour la matinale, bonjour les auditeurs. Comment ça va ce matin? Eh ben, je vais très bien, merci beaucoup. Alors dis-nous tout, où est-ce que t'es confiné Charlélie? Alors moi je suis confiné chez ma conjointe à Massy dans le 91. Voilà, les Parisiens ont fui la capitale, et ben moi j'ai ravi la capitale pour faire l'inverse. Oh waouh, geste fort! Ouais, pour fortifier votre système immunitaire peut-être? Exactement, je me suis dit on va aller au cœur de la maladie, comme ça au moins on prend tous les risques. La méthode anglaise donc. La méthode Boris. Boris Method. Exactement. Alors comment ça se passe pour toi ce confinement? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Est-ce que tu es en télétravail? Est-ce que tu es en chômage technique? Dis-nous tout. Alors je ne suis ni en télétravail ni en chômage technique, je suis juste en rien du tout, puisque étant AED dans un collège, faire de la surveillance d'élèves qui ne sont pas présents au collège, c'est un peu compliqué. Donc on a été gentiment... on nous a gentiment demandé de rester chez nous et... d'attendre d'autres instructions, sauf que ça fait 2 semaines qu'on les attend, les autres instructions, donc pour l'instant, je ne fais rien, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas en chômage technique, donc aucune incidence sur les salaires, donc en fait, là, je suis vraiment payé à rien foutre. Voilà. Et ça, ça fait plaisir, bravo. Exactement. Et également, je suis entraîneur de volley, et alors ça, c'est un peu moins rigolo, parce que j'avais de belles échéances de fin de saison qui arrivaient, qui ont toutes été annulées. Donc je suis un peu déçu. Et vous-même étant grand sportif, comment ça se passe pour le confinement au niveau du sport? Est-ce que vous regardez le Bon Con Fitness? Alors je fais moi-même mon fitness, l'ami Doug m'excusera de ne pas suivre ses vidéos, mais j'essaye de maintenir en forme comme je peux, voilà. Sans pouvoir courir, c'est un peu compliqué, mais on trouve toujours des exercices à faire... Bah écoutez, n'hésitez pas à nous partager vos petits tips de fitness. Ouais, qu'est-ce qui marche bien en intérieur pour rester tonique? Qu'est-ce qui marche bien dans l'intérieur? Bah, beaucoup de gainage déjà. C'est très important le gainage. Et faire beaucoup d'exercices à base de sauts et de répétitions comme ça, ça fait travailler le cardio, c'est bien, ça remplace un peu la course. Ok, nous on a fait l'acquisition d'une corde à sauter ici là, à la Rouxière. Est-ce que c'est un outil idéal pour ce genre de contraintes? Ah bah c'est parfait, ça travaille la coordination motrice, ça travaille les jambes, ça travaille le cœur, c'est très bien. Ah, et ben on va ressortir plus fort qu'on est rentré en confinement finalement. C'est vrai. Exactement. Et alors c'est soit vous allez tous sortir gros à force de rien faire, soit vous allez tous sortir ultra musclés parce que vous n'aurez fait que du sport pour vous occuper. Eh ben... Ce serait mieux la deuxième solution quand même. Parce que qu'est-ce qu'on bouffe à la Rouxière, vous imaginez pas. Hein. J'ai l'impression qu'ils veulent nous nourrir, nous engraisser pour après nous manger. Ah, seriez-vous dans un compte? Bah peut-être. Qui est Hansel, qui est Gretel? Je ne sais pas, je vous laisse décider. Alors, il y a Nini sur le chat qui nous demande, peut-être peut-il proposer un volet avec les voisins de l'immeuble d'en face? Alors, il n'y a pas d'immeuble en face, il y a des maisons. Donc, ah. Elles sont un peu trop basses, les maisons. Le problème, c'est que pour renvoyer la balle, ils vont avoir un peu de mal. Ouais. Mais, ça peut se tenter. Hein. Autrement, les voisins de proches de balcon à balcon pour essayer. C'est vrai, vous pouvez tenter. Oui. Sinon, Charlélie, comment ça se passe au niveau du confinement pour vos proches? Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que tout va bien? Alors, mes proches, puisque vous connaissez très bien ma sœur, qui est confinée chez ma maman, à la campagne, pas très loin de chez vous d'ailleurs. C'est vrai, d'ailleurs, c'est très très frustrant de ne pas pouvoir la voir alors qu'elle est si proche. Bah oui, je me doute bien. Mais non, tout se passe bien pour eux. Comme vous, ils ont un beau jardin dont ils peuvent profiter avec le beau temps. Voilà. On nous demande si vous faites des Skype péro. Faisons-nous des Skype péro? Oui, nous en avons un prévu ce soir. Ouh, ah. Parce que c'est vendredi soir. Exactement. Exactement. Et puis en ces temps, c'est fait toujours du bien de voir d'autres visages que le sien dans le miroir, ou celui de ma conjointe qui est avec moi. Ça c'est marrant parce que moi j'ai plutôt tendance à préférer voir que mon visage et ça me saoule de voir ceux des autres, donc bon. Ok, sympa. J'ai décidé en fait de remplacer mes lunettes de soleil avec des carreaux réfléchissants quoi, de mettre des miroirs dans mes lunettes de soleil, ça donne l'impression d'être sociable tout en ne me regardant que moi. C'est bonne solution. Voilà. Alors parlons de votre morning routine, Charlélie, c'est comment le matin pour vous? Vous êtes dans le genre... vous êtes du matin déjà ou pas du tout? Quelle est la couleur de vos selles? Non. Je pensais que la question c'était comment ça va. Ouais, c'est ça. Non, comment... vous êtes du matin ou pas? Du matin, ça dépend. À quelle heure on s'est couché la veille, mais... écoutez, la morning routine, elle a un peu changé, parce que maintenant il n'y a plus de trajet vers le travail, mais... elle reste globalement la même, on se réveille... un peu plus tôt, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour tout le monde, qu'on a moins de mal à se réveiller le matin. Un peu plus tôt, et puis... Est-ce que ça serait pas peut-être le fait de ne pas aller au travail qui, finalement, nous fait nous réveiller assez de bonne humeur? Ouais, c'est possible, ça, c'est possible. Je pense qu'il y a rien, je pense que les sociologues devraient se pencher sur la question. Est-ce que le travail ne casserait-il pas les couilles, finalement? C'est vrai, est-ce que, quid de la phrase, le travail c'est la santé? Bonne question. Et alors, est-ce que vous êtes team petit déjeuner ou pas du tout? Ah oui, team gros petit déjeuner. Ah, alors faites-nous rêver parce que là, pour l'instant, depuis le début, on en a eu des super, je pense. Ah, celui d'hier. Celui de Nini. Ah, celui de Valentin incroyable. Avec tous ces petits fruits là, putain, le truc tonique, moi ça c'est me. Vrai, c'est vrai, celui de Valentin était assez fou. Et les Skype petit déjeuner de Louise aussi étaient assez impressionnants. On a des bonnes idées petit déjeuner. Ouais. Alors, nous, le petit déjeuner, pour moi déjà, c'est café. Voilà, un bon café dans une cafetière à piston, puisque la question a été demandée hier, avant-hier, à Louise. Voilà. Des petites tartines, alors c'est soit du pain de mie, soit du pain frais, ça dépend de ce qui reste. Un petit jus d'orange pressé. Avec un faut le boire vite, alors. Généralement... Ouais, il part en courant, il est pressé. Ouais, excuse-moi. En fruits aussi, faut un petit fruit et puis un petit yaourt, ça fait toujours du bien. Voilà. Un gros petit déjeuner pour bien attaquer la journée. Il y a Nini qui demande, il se beurre la tartine de quoi ? Je me beurre la tartine de confiture. Voilà, comme ça elle va savoir. Donc, je ne beurre pas la tartine, je me confiture la tartine. Ah voilà. Mais alors dites, ça, ça donne envie de faire des super petits déjeuners, franchement. Vous nous donnez bien envie. Il y a Loyo qui a une question pour vous. Loyo qui demande, bonjour chère Lélie, en temps de confinement, faites-vous de la couture pour vous occuper ? Alors malheureusement, je ne suis pas un adepte de la couture. Mais je peux chanter, oui, je suis ton ami, si tu veux, Loyo. Alors, on va prendre les dernières questions peut-être des auditeurs. Kéman, vous avez peut-être des petites questions pour... Ouais, j'en ai, mais on peut peut-être s'envoyer un petit son et puis on vous reprend juste après, Charlie. Ah bah c'est parfait, comme ça, ça laisse aux auditeurs de nous envoyer leurs questions. D'autres questions ? Alors, on va s'envoyer quoi comme petit son ? Bon, bah, je garde. Alors, on va s'envoyer Boys Will Be Boys de Stella Donnelly, donc une chanteuse australienne qui nous fait un petit une petite chanson qui parle de harcèlement sexuel et de patriarcat. Donc, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que. Quoi ? Youpi. Youpi. Ah, youpi, j'ai cru que t'avais dit Gianni. Parce que. Oh là là, on règle ses comptes à l'antenne, qu'est-ce qui se passe ? Oui, Gianni, écoute cette chanson. Ça s'appelle Boys Will Be Boys et Fuck le Patriarcat. Why? Bonjour. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi ? Allez, on est de retour avec le bon Doug, Chloé et toujours Charlélie en ligne. En ligne. On a des questions qui sont arrivées sur le chat pour vous, monsieur Charlélie. Charlélie, as-tu un tatouage ? Si oui, peux-tu nous en expliquer la signification ? Oui, j'ai un tatouage qui est situé sur mon torse. C'est un petit tatouage qui représente un A et un M. Et je pense que vous savez, vous, ce qu'il représente, c'est pour le groupe de musique Arctic Monkeys. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Charlélie, de la chronique d'Arctic Monkeys, nous demande Douglas Wilson. elle était fort bien, fort bien, fort bien. Même si je souhaitais ajouter que Joshua, il a commencé à travailler avec Arctic Monkeys dès le troisième album, et pas que sur le quatrième. C'était sur Humbug, ouais, sur Humbug, des Humbug. Oui, c'est ça. Et effectivement, effectivement, vous avez bien fait de rectifier. Il était enregistré dans le désert. Ah, ouais. Bah, là où habite Joshua, je crois. Ah, ce roux qui vit dans le désert. Voilà. Exactement. C'est... Ah oh, oui, bah oui, on n'est pas toujours au top, des fois on dit de la merde, c'est tout. C'est ça. Moi j'avais une question en fait, je sais de sources sûres que votre conjointe est enseignante, et du coup je voulais savoir comment ça se passait pour elle actuellement le télétravail, ça doit être... Enfin on entend pas mal de témoignages à la radio, tout ça, on entend même dire du gouvernement que les enseignants ne bossent pas actuellement. Oui, d'ailleurs, elle est particulière des fraises en ce moment même. Donc, comment ça se passe pour elle, là, le travail à distance ? Eh ben, déjà, je crois que je l'ai jamais vu, enfin, quasiment jamais vu autant travailler. Merci Sibeth Ndiaye, mais si, les profs bossent en ce moment. Alors, c'est un peu compliqué entre les différentes plateformes où on leur demande de poser du travail, entre l'ENT, Pronote, mon collège en Essonne, enfin voilà, c'est assez compliqué. Plus, on va dire que les serveurs de l'éducation nationale ne sont pas vraiment faits pour accueillir un nombre de connexions aussi important. Donc, le matin, généralement, c'est assez saturé et elle a du mal à poster ses cours ou à ouvrir ses mails. Donc, elle passe plus de temps à pester contre la lenteur des serveurs qu'à travailler parfois. Mmh. Mais ça se passe bien, elle a trouvé son rythme de travail et la clé, ça a été de garder un cadre et de se dire de telle heure à telle heure je travaille et de telle heure je fais une pause. Comme ça, ça lui permet d'avancer. Et voilà, ça lui permet aussi de vivre des situations inédites comme des conseils de classe numériques. C'est un concept de l'éducation nationale. Waouh! Ouais, quand on sait les compétences et la qualité des serveurs et du matériel informatique de l'éducation nationale, on se dit que ça devait être une grande performance, ce genre d'événement. Ouais, voilà, exactement. On se demande même comment ça fonctionne parfois. Mais apparemment, ça fonctionne. Ouais, mais l'éducation nationale, c'est un peu comme la radio des bons cons, finalement. C'est fait de briques et de brocs, des fois ça passe, et il y a beaucoup de fois où c'est le bordel, voilà. Ouais, après, c'est juste dommage que... Enfin, c'est un service public, ça devrait être un peu moins débriqué brode, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ces élèves, est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes ? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes... Enfin, tous les parents ne peuvent pas aider de la même façon leurs enfants à travailler chez eux, quoi. Alors, ils ont des retours sur quels élèves se connectent et quels élèves ne se connectent pas. Mm-hmm. Voilà, alors là, tous ces élèves se sont connectés pour l'instant. Après, de là à dire que tous ces élèves ont travaillé et récupéré des documents, on ne sait pas vraiment. Ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est une question qui se pose sur passer au numérique, c'est bien, mais faire en sorte que tous les élèves aient accès à soit une tablette, soit un ordinateur, ou même juste une connexion internet fixe, c'est pas évident. Mmh. Mais ça a été la solution la plus simple de passer par internet, et de toute façon, je crois que le gouvernement Macron aime bien laisser les gens un peu miséreux dans la misère encore plus, donc je crois qu'ils s'en fichent un peu de savoir qu'il y a des élèves qui sont pas accès. Ouais. Ah bah ça c'est le grand dame de notre société d'aujourd'hui. Ouais. Je vous remercie, Charlélie. Ça se passe bien, tout se bien. Ok. Ok, bon, c'est le principal. Je vous remercie, Charlélie, d'avoir été avec nous. Moi, j'ai une dernière petite question à vous poser avant qu'on parte. Je voulais savoir quel est votre signe astro. Bélier. Ah, vous êtes bélier. Alors, c'est quand ton anniversaire? Le 9 avril. Ouh, bah écoute, la matinale le 9 avril, on te dira avec qui tu partages ton anniversaire. J'ai hâte. Et en attendant, Charlie, est-ce que vous aviez gagné le jeu concours hier sur de deviner les films que je n'ai pas compris? Vous avez votre petite dédicace à faire, du coup? Alors, oui, dédicace à tous les ONF français de Navarre. Dédicace également à tous les personnels sportifs qui sont bien perdus en cette fin de saison avec toutes ces compétitions annulées. Et puis, dédicace à tous les rats qui font du rap. on les adore, on les embrasse d'ailleurs. On les adore. Et dédicace au plus grand, Zinedine Zidane. Allez, Zizou, toujours dans nos cœurs. Pas de ça, Zinedine. Pas de ça, Zinedine. Merci, Shelly. Allez. Y'a pas de soucis. Avant la petite chronique musique. Ah, ça fait plaisir. Allez, on le fait pour vous tous. Avant la petite chronique musicale spéciale métronomie, on va s'écouter un dernier son qui sera pas du métronomie, puisqu'après ils vont faire une OPA sur notre matinale. On va s'écouter un Born Idiot, un groupe que j'affectionne particulièrement, avec leur dernier single Blue Is My Color. C'est tout en douceur, c'est tout en beauté, en candeur, ça nous réveille du bon pied, ça nous met de bonne humeur. Salut, c'est Metronomy. Et vous écoutez Metronomy sur Radio Boncon. Et on est de retour. Mais oui. Sur la Radio des Boncons. Voilà, et vous l'avez deviné, nous allons passer à une petite chronique spéciale Metronomy. Alors, je suis hyper intimidé parce qu'on a beaucoup de spécialistes de métronomie qui nous écoutent et j'ai peur de dire de la connerie, comme on dit chez nous. On va vous passer quelques sons, des sons qui sont pas majoritaires, qui passent à l'antenne, pas des tubes, parce qu'on a beaucoup de métronomie déjà qui passent à l'antenne. Ouais. Donc, je vais c'est pas les mieux en plus. C'est pas les mieux. Oui, bon, est-ce qu'il y a vraiment des mieux ? C'est ça qui est pas mal avec métronomie, hein, c'est qu'il y a à boire et à manger, il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les panses, pour toutes les papilles, pour toutes les oreilles. Voilà, nous-mêmes dans le studio, là, on a deux posters de métronomie, dont un dédicacé, ça impressionne. Voilà, et on a même aussi les passes de métronomie. Les passes VIP de Ophélie Soulard. Alors, métronomie, c'est qui ? C'est quoi ? Alors, à la base, métronomie, c'est Joseph Mount, un petit Briton, hein, qui vient du sud de l'Angleterre, du Devonshire, hein, il vient de... Ah, voilà, je vais commencer à dire des conneries. Bon, il vient du sud de l'Angleterre, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Ophélie ? J'ai m'étais ouvert à une petite page, là, que j'ai faite, qui est disparue. Et donc, voilà, il commence à la base à faire un album solo, avec très peu de chants. C'est pas quelqu'un qui chante à la base. À la base, il est batteur, Joseph Mount, hein. Et puis, il a bidouillé d'autres instruments, des petits synthés, des guitares par-ci, par-là. Et donc, il nous a fait un premier album qui s'appelle Pip Pain, You Owe Me 500 Quids. Donc, ça, voilà, c'est ce nom, il vient d'un tag qu'il avait vu dans son bled où quelqu'un avait juste marqué sur les murs qu'un de ses potes lui devait de l'argent. Un petit peu comme ce que Chloé a fait finalement hier à la radio en passant Bitch, you better have my money pour rappeler qu'elle était créancière de certains de ses camarades. Donc ce premier album, il est quasiment exclusivement instrumental, mis à part une ou deux chansons. Il y a deux chansons avec du chant. Donc on est sur quelque chose à base de boucles, de trucs très répétitifs. On empile des boucles, on superpose des riffs, des gimmicks qui vont s'ajouter les uns aux autres. On est sur quelque chose bien loin du métronomie que vous devez connaître aujourd'hui avec The Look, The Bay et tout ça. On va tout de suite écouter des morceaux de ce premier album qui, moi, déjà, je trouve assez riche, assez fort, mais qui, évidemment, rentre pas dans les codes de la pop aujourd'hui, couplet-refrain, avec du chant catchy. Là, on a juste pas de chant. Donc, on est sur cette chanson de Pip Payne qui s'appelle Love Song for Dog, que moi, particulièrement, j'adore. Thank you. Salut, c'est Metronomy. Et vous écoutez Metronomy sur Radio Boncon. Et voilà, donc très beau jingle hein, des Metronomy qu'on embrasse, hein, qui nous ont permis qui de faire cette écoute, émission, hein, qui nous écoutent. Écoute. Qui sont bien fans, qui sont là depuis le début de la radio des Boncons. C'est même eux à la base, Ophélie était là, je sais pas si je fais cette radio, et les mecs de Metronomy étaient là, mais si Ophélie, fais-le, c'est la meilleure idée du monde. Et ils ont dit, si tu veux, pour t'encourager, on fait même ce jingle. Donc voilà, Metronomy, c'est pas mal parce qu'on reste sur notre thématique DIY de la semaine. Donc DIY, c'est vrai que c'est un mot que j'utilise beaucoup, que j'ai pas expliqué, c'est do it yourself. C'est le, voilà, comme Mac DeMarco qui enregistre avec des briques et des brocs chez lui, avec quelques magnétophones, comme Tyler The Creator, comme Tame Impala, sont des gens qui enregistrent chez eux, qui vont pas louer des fat studios pour enregistrer leurs albums. Et là, Metronomy, sur ce premier album, on est clairement dans cette démarche-là, hein, de, on enregistre chez soi, avec quelques machines, avec pas de la grosse technologie, pas de, des gros logiciel de bourrin, c'est on se contraint techniquement avec le matos à dispo et c'est ça qui donne une énergie. Hein. Donc ce premier album, la Pip Pain, est dans cet esprit-là. L'album qui a vraiment commencé à faire connaître Metronomy avec des morceaux comme Heartbreaker, A Thing For Me, donc, Radio Ladio, avec des super clips d'ailleurs hein, chacun. Voilà. C'est l'album Nights Out, c'est le deuxième et là... les morceaux instrumentaux, il y en a deux dans l'album, ils sont minoritaires. Joseph Mount se met à chanter. Alors, c'est pas toujours un chanteur de ouf, mais en fait, c'est un bon compositeur, et je pense que sa grande force, c'est de savoir s'adapter autour de ses capacités vocales. Donc évidemment, hein, sur les albums plus récents, il a progressé, hein, il a gagné en assurance, mais sur cet album-là, c'est encore un peu timide, sa façon de chanter. Est-ce que c'est comme Franz Ferdinand, le chanteur est vraiment limite. Il y a une blague ou non en chant. C'est juste qu'il chante comme un pied quoi. C'est... Ouais bah il y a beaucoup de chanteurs. À vrai dire franchement moi c'est un gros débat qu'on pourrait avoir. Il y a tellement de groupes où sur album tu passes un bon moment et puis tu te rends compte que sur scène vocalement les mecs sont pas du tout au niveau. Bah Thomas Mars aussi. De Phoenix. Bah encore plus aujourd'hui où en fait c'est hyper facile de corriger des fausses notes avec des logiciels avec des trucs sur ordinateur là. Il y a le autotune que tout le monde connaît. Il y a Melodyne qui est un autre truc utilisé plutôt dans la pop où en fait toutes les fausses notes sont repitchées pour paraître juste. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mauvaises surprises. Mais en fait, le truc de Metronomy, c'est que c'est une faiblesse un peu assumée sur les premiers albums qui, étant donné que Joseph Mount produit lui-même ses chansons, il sait un peu bricoler autour de ça et jouer avec ça. Et par contre, clairement, au fil des albums, il a progressé de ouf. Et en live, t'es pas déçu hein, pour les avoir vus plusieurs fois. C'est un bon chanteur qui sait aussi s'entourer de super choristes. Quoi. Ces musiciens maintenant actuels ils sont assez ouf. Donc en fait, je sais pas si c'est à ce point-là marquant en Franz Ferdinand, je les ai pas vus en live par contre, donc je peux pas dire si tu passes si tu étais un peu déçu ou quoi. Ah c'est rigolo. Faut prendre tout avec humour. Mais alors du coup, ouais, sur l'album Nights Out, Joseph Mount, il s'entoure de copains. Donc il y a maintenant un bassiste qui fait également du synthé, dont je ne connais pas le nom et qui ne fait plus partie du groupe aujourd'hui, et il y a son fidèle alcoolite... Alcoolite. Waouh. Waouh, j'ai besoin de sortir. Il l'a dit, J'ai besoin d'une terrasse, j'ai besoin d'un demi en terrasse, s'il vous plaît. Et son fidèle acolyte, peut-être alcoolique, je ne sais pas, ça les regarde, Oscar Cash, qui fait du synthé, du saxophone, et qui ne le quittera plus jusqu'à encore aujourd'hui. Donc voilà, il s'entoure pour faire du live, et on est encore sur de la musique électronique, on a des boîtes à rythme, on n'a pas de batteur, et on a beaucoup de synthé cheap, hein, on reste sur du matériel un peu lo-fi. Mais ça donne un super album Nights Out. Alors d'ailleurs, après avoir eu la chance, grâce à Ophélie Soulard, hein, de rencontrer les Metronomy et avoir pu parler à Glubenga, leur bassiste actuel, il m'expliquait que leur procédé, c'était souvent que Joseph composait des démos chez lui, qu'il envoyait ça aux gars pour qu'ils les réenregistrent, mais que très souvent, ils aimaient tellement l'esprit de la démo, qui sonnait donc lo-fi, hein, pas de grande qualité sonore, mais ils aimaient tellement ce que ça renvoyait qu'ils gardaient très souvent les pistes des démos. Et j'aime bien cet esprit, et l'album Nights Out, il est clairement dans ce truc-là. Des morceaux enregistrés, encore une fois, et des maquettes, pas de qualité de ouf, hein, mais ça marche parce qu'on ressent quelque chose. Et je vais vous faire écouter mon morceau préféré de cet album, qui s'appelle On Dance Floors, qui est dans Skins, que j'ai découvert via Skins, la série britannique. Donc voilà, on s'écoute On Dance Floors. Allez, on... Je n'ai absolument rien fait. J'attendais, j'étais prête à rire. On appelle ça un conditionnement pavlovien. Je n'ai pas fait de blague cette fois, et pour autant. Donc voilà, c'était On Dance Floor de Metronomy. Et encore une fois, sur cet album-là, on sent la tendance à empiler des riffs, à rajouter des couches. On a une basse, et puis d'un coup, une deuxième basse surgit, et une guitare, une autre guitare, une autre guitare. Et c'est seulement après cet album-là qu'on va sentir la volonté de composer avec une énergie live, ou en tout cas en se projetant avec un groupe, car vient ensuite l'album The English Riviera. Oh yeah! Avec la composition du groupe qui évolue, on a une batteuse qui arrive, Anna Prior, qui avait joué pour Lightspeed Champion, donc je sais pas si vous connaissez ce groupe, c'était l'ancien groupe de Blood Orange actuellement. Je sais pas si vous connaissez ce compositeur de hip-hop et producteur. Ah bah, si vous connaissez pas, la semaine prochaine on parle de Blood Orange, parce que ce mec là maintenant produit pour toutes les starlettes de Hollywood. Et on a également Jbenga qui vient à la basse, et il nous reste donc Oscar Cash, le fidèle destrier de Joseph Mount. C'est hyper bizarre dit comme ça, et là on a vraiment une composition live, donc The English Riviera. On